do seu fado, já talhado no livro da natureza um destino reservado. De riqueza ou de pobreza. Je sais cacher mon accent, sauf quand je dis rose. Lima, l'UM, c'est le sang. Chez nous, on s'impose. C'est vrai, j'exagère tout le temps, mais dans pas grand chose. Hier, ils étaient au moins 100 devant ma roulotte. Oh, en bas, on dit pas le pauvre, on dit plus cher. La vue sur le ciel, le parasol dans le sable, main dans la glacière, la journée en plein cagnard. On est les pros de la flemme, mais la nuit on est fait tard. C'est la vie qu'on aime. Voilà donc, il est 13h33, voici donc eh bien, le retour avec l'émission tous les vendredis après-midi. Voilà, nous sommes déjà eh bien, le vendredi et demain après-demain sont tout simplement le week-end des repos pour certains qui sont voilà, qui se reposent tout simplement chaque samedi et dimanche. Voilà donc aussi très heureux de vous retrouver avec beaucoup de chansons différentes pour vous faire plaisir comme bah, toutes les émissions différentes aussi. Voilà donc eh bien on va commencer bien sûr avec les chansons et je vous laisse avec deux titres de country. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Let's go, girls. Thank you. feel like a woman. The girls need a break tonight. I'm gonna take the chance to get out of the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our head down. The best thing ciel. Voici donc du zouk et puis juste après, eh bien, des chansons de Desireless.

Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Bon, voici donc Dana Donson, et puis juste après Cyndi Lauper. Tell me, oh, me down. Beautiful's the way that I feel. a sunny afternoon. Night to night. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bon, voici donc Asia et puis Arc Mango. Colère, on détruit. passés sont en retard. Qu'enfonne l'heure donc Barry White, et puis juste après lui ça sera Demis Roussos et puis Corinne Charby. Wonderful, that's what you are. I know.

voici donc Carla Machum, et puis juste après lui, ce sera les chansons portugaises. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. teu lugar, que este amor em mim não tem dor. Vem a vida a procurar, só a ti eu soube amar, coração por ti ainda chora. E tudo o que ficou foi o vento que levou. d'écouter, de danser sur les musiques qu'on aime avec Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Caroline Costa et puis juste après début de soirée.

Toto et Roberta, et puis juste après Milini. Thank you. ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore plus saine quand ces mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'hôtel. Quelle énorme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel. Oh, fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour de Smeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de chiffon. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Debout au cœur chaud, des vents d'où le ciel et mes yeux verts. L'amour vit

Arc-en-ciel. C'est maintenant, et laissez-les twister. S'agit pas de vous moquer, arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît, et laissez-nous twister. Oh, twistin', twistin', c'est à notre tour de danser. Et twistin', twistin', et laissez-nous twister. On ne vous reproche pas le tango ou le cha-cha, continuez, c'est votre droit, et laissez-nous twister. Vous disiez de votre temps la même chose à vos parents, laissez battre notre sang, et laissez-nous twister. Et twistin', twistin', c'est à notre tour de danser. Et twistin', twistin', et laissez-nous twister. On n'est pas jaloux qu'on vous aime malgré tout, alors venez avec nous, essayez de twister. Les jambes un peu écartées, commencez par balancer, car vous êtes très doués et vous aimez twister. Et twistin', twistin', la jeunesse peut s'amuser. Et twistin', twistin', et laissez-la twister. Et puis juste après Joe Cocker. Je voudrais nous séparer, qu'il serait toujours prêt. Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc Kanoma, et puis juste après le groupe Alliage. Nous a rendu plus orgueilleux. temps qui court. Sous nos vincelles, la vie nous a rendus plus orgueilleux. Parce que le temps qui court a changé le plaisir. Et que le manque d'amour nous fait vivre. Et c'est le temps qui court. Comme ça compte, sans sort et on s'en sort demain. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Voici donc Enzo, Enzo, et puis juste après les Costa. Pas de coup tam tam, pas d'orage en vue sur les avenues, pas de train qui démarre, pas de coup de cafard, les idées qui passent font comme de la glace. Pour une fois, ne pas lire les journaux du soir. Pour une fois, tout ce que je veux avoir. Ah, deux minutes de soleil en plus, de trois idées faciles, va me balader jusqu'au terminus, dans les rues de la ville. Simplement le temps à contre-courant. Pas d'extrême de timblème, pas de noir poème, pas de problème majeur dans les amines. Pour une fois, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. je n'aurai pas le temps, pas le temps. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux et tant de fleurs, des milliers de jours. C'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, en cent ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Arc-en-ciel. Voici donc Stockigan et Waterman, et puis juste après Roxane. Picture this, a recording studio somewhere far, far away. You've entered the zone. Get busy.

à nos enfants qui se sont intégrés de tout cœur avec nous. Merci à tous nos bénévoles. Merci aux derniers recrues. Merci à nos animateurs présents ce week-end sur le parc pour les émissions en direct, mais aussi à l'aide à la promotion de cet événement. Merci aux auditeurs et au public présent venu du Portugal, de Dijon, de Luxembourg, de Lille, de Paris, de Nevers, de Tours, de partout. Merci à Madame le maire de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, et tous les élus présents. Merci aux services techniques de la ville de Fleury-les-Aubrais qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette fête. Merci à nos invités officiels. Merci aux artistes montés sur la scène de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, bonjour amis, Gouche de Portugal, DJ Franky, Daniel Henrich, Capanegra, The Quince, Teresa Carvalho, Carla Bondi, Os Maravilhas, Gabi Fernandes et Ruizinho do Acordeon. Merci à nos partenaires, les établissements Mariano, Luz au Journal, Mario Quintelino et Carlos Pereira, Urban Elec, Urban Construction, Alberto Coelho, AM Création, Aurélec, Monsieur Azevedo, AED, Panier du Monde, RPG International, Hôtel des Trois Vallées, l'Hôtel Bébé Hôtel, l'Atelier Papy, la DGACCP, Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portugueses, SMP Ravalement, Aldora, Mecacars 45, JBC Échafaudage, Escorte Sécurité, mais aussi un grand merci à nos sponsors, Balza Rénovation, Restaurant Assador Típico, DLP Plomberie, PCPG 2011, Carrosserie Goncalves, Dia Soto, Vasco et Frères, Aldora Construction, Casa Isolation, Batimaya, Vité Couverture, Balza Décoration, Samicar Carrosserie, JP Rénovation, EURL AMD Isolation, Bar Restaurant Brasil, MCR 45, JDA Plomberie Chauffage, Sergio Dominguez Platiste, MTP 45 Carrosserie, MPS Maçonnerie, MTL Nettoyage Val-de-Loire, SARL Pavé Igor, RM Rénovation, SARL de Barros, MCJ, Service Après Construction, CIMAC Construction, Villard DS, Roche Gude du Moulin de Pierre, RF Maçonnerie Pavage, DMC Couverture, SARL MVTEL, Crédit Mutuel. Sans oublier les stands gastronomiques, gourmands, culturels, commerciaux présents sur le parc de Lignerolles. Un grand merci au restaurant Ugrilo, Alex chez les femmes, au Toro Rei do Porco, Adopt Speciality, Tontinho de Nossa Terra, le Jules, Mylène Gourmandise, Pastelaria Conselheiro, Tradições do Val do Verde, Établissement Mariano, le Correio Superbeu, mais aussi Fine Flamme Bougie, au Rancho Folclórico Junior, Natalis Bijoux, les Bougies de Paris, Lorginha de Rosário, Mode Star Mode, AFR Financement, les agents de l'immobilier, Alliance Théobald Ocher, Cidrande, Calypso, Crédito Agrícola, Air de Môme, Star Music System, Banco Montepio, Warsman, Otto Orléans, Intuition, Cap Imagine. A todos, um muito obrigada e um beijo. A todos, um grande merci. E, on se donne rendez-vous très bientôt. Pourquoi? L'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel le 16 novembre. 39e anniversaire de Radio Arc-en-Ciel le 16 novembre à la salle de munitions. Radio Arc-en-Ciel vous prépare une jolie surprise. A bientôt, un muito obrigado. Até breve. C'est ça, Radio Arc-en-Ciel. Les 6, 7 et 8 septembre, la fête de la Sange aura lieu dans le parc du château avec en invité d'honneur le Portugal. Venez vivre un moment en famille en assistant au spectacle équestre, concours de trompe et de nombreuses animations gratuites pour les enfants. 200 stands sur les pelouses du parc du château sont attendus. Soirée nocturne le vendredi et samedi soir. Alors tous à vos agendas, rendez-vous les 6, 7 et 8 septembre dans le parc départemental du château de Sully-sur-Loire pour la 27e fête de la Sange. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison